Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. Copyright Clé Internationale 2013. Activité communicative. Document 1. Information le 23 décembre à 7h. Les passagers du train Paris-Marseille ont eu des émotions hier soir. Il était environ 20h. Le train roulait à 300 km/h. C'était un jour de départ en vacances et il y avait un grand nombre de voyageurs accompagnés de leurs enfants. Soudain, le conducteur a vu sur son écran un signal d'alarme. Il y avait, à 2 km sur la voie, un obstacle non identifié. Le conducteur a freiné immédiatement et le train s'est arrêté à 1 mètre à peine d'un éléphant. L'éléphant portait une grande cape rouge et un bonnet jaune. Il était immobile, sous la pluie, au milieu de la voie. Des voyageurs sont sortis pour voir l'animal. Certains ont filmé la scène. Après plusieurs coups de fil à la police et au cirque, on a retrouvé le dompteur. Il est arrivé 1 heure plus tard sur les lieux. Il a calmé l'animal, qui est monté dans un camion. Les enfants étaient ravis.